Psaume 59. Mishtam de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Altaset, touchant ce que Saül envoya des gens qui épièrent sa maison, afin de le tuer. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, garantis-moi de ceux qui s'élèvent contre moi. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité, et me garde des hommes sanguinaires. Car voici, ils m'ont dressé des embûches, et des gens robustes se sont assemblés contre moi, bien qu'il n'y ait point en moi de transgression, ni de péché, ô Éternel. Ils courent çà et là, et se mettent en ordre, bien qu'il n'y ait point d'iniquité en moi, réveille-toi pour venir au-devant de moi, et regarde. Toi donc, ô Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour visiter toutes les nations, ne fais point de grâce à pas un de ceux qui outragent perfidement, c'est là. Ils vont et viennent sur le soir, et mènent du bruit comme des chiens, et font le tour de la ville. Voilà, ils s'évaporent en discours, il y a des épées en leurs lèvres, car, disent-ils, qui est-ce qui nous entend? Mais toi, Éternel, tu te riras d'eux, tu te moqueras de toutes les nations. À cause de sa force, je m'attends à toi, car Dieu est ma haute retraite. Dieu qui me favorise, me préviendra, Dieu me fera voir ce que je désire en ceux qui m'observent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie, fais-les errer par ta puissance, et les abat, Seigneur, qui est notre bouclier. Le péché de leur bouche est la parole de leurs lèvres, qu'ils soient donc pris par leur orgueil, car ils ne tiennent que des discours d'exécration et de mensonges. Consume-les avec fureur, consume-les, de sorte qu'ils ne soient plus, et qu'on sache que Dieu domine en Jacob, et jusqu'au bout de la terre, c'est là. Qu'ils aillent donc et viennent sur le soir, et qu'ils mènent du bruit comme des chiens, et fassent le tour de la ville. Qu'ils aillent de lieu en lieu pour trouver à manger, et qu'ils passent la nuit sans être rassasiés. Mais moi, je chanterai ta force, et je louerai dès le matin à haute voix ta gratuité, parce que tu m'as été une autre traite, et mon asile au jour que j'étais en détresse, ma force. Je te psalmodierai, car Dieu est ma haute retraite, et le Dieu qui me favorise.